Il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'Eïgad du feu. Et quel détestable Eïgad !